Chapitre 7e, Conquête de Dorothée. Dorothée Thurgood était catholique romaine. Si elle lui était adoratrice du feu, mahométane, thug, du culte d'Astarté, ou croyante implicite dans la nécessité des sacrifices humains, elle lui a peine été regardée, au point de vue spirituel, avec une plus grande horreur qu'elle ne l'était par les membres protestants de la maison de Sir Gaspard. Sous le rapport temporel, Dorothée était considérée comme une très jolie fille, avec des manières simples, gagnant tous les cœurs, et une figure qui était presque aussi brillante qu'un rayon de soleil. Mais sous le rapport théologique, c'était une hérétique obstinée, résolument soumise et marchant droit à sa perdition. Se levant de bonne heure le matin pour assister aux cérémonies de l'idolâtrie et amassant des idoles païennes sous la forme de petits papiers de dentelle dorés sur tranches et ornés d'images de saints et de martyrs inconnus. Je ne suppose pas que la petite Dorothée eût pu expliquer très distinctement la différence qui existait entre sa foi et celle des autres domestiques. Les Thurgood étaient d'origine hibernienne, et Dorothée croyait au pape comme ses ancêtres et ses parents y avaient cru avant elle, comme à quelque sublime abstraction qui, dans son humilité suprême, condescendait de temps à autre à recevoir un tribut, sous la forme d'un sou, de personnages aussi chétifs que Dorothée elle-même. Cette jeune fille avait l'organe de la vénération excessivement développé sous ses cheveux d'un brun doré, qui ne pouvait tomber droit. Il était disposé à croire assez implicitement à toutes les choses qui lui semblaient bonnes et belles, et qui étaient bien au-dessus de son intelligence. Si quelque chose eût pu ébranler la foi qu'elle avait reçue dans son enfance, c'eût été l'influence de sa jeune maîtresse. Mais Marcia n'avait nul désir de faire une prosélyte de sa petite femme de chambre à l'esprit candide. « Je préfère te voir bonne catholique que mauvaise protestante, ma chérie, disait-elle, et je pense que toi et moi pourrons lire Thomas à Kempis ensemble, sans entrer dans des raisonnements abstraits sur notre différente croyance. Si nous pouvions seulement être de vrais chrétiens, Dorothée, j'imagine que nous pourrions espérer obtenir notre pardon d'avoir choisi entre Apollon et Paul. » Dorothée avait un très long trajet à faire pour se rendre aux offices du dimanche. La chapelle catholique la plus proche était un édifice sans prétention dans un district situé derrière le dépôt naval et militaire au-delà de Roxborough. Et Thurgood et sa famille avaient l'habitude de s'y rendre dans une charrette chaque dimanche depuis aussi longtemps que Dorothée pouvait s'en souvenir. Marcia n'était pas une maîtresse exigeante et Dorothée était toujours libre d'accompagner sa famille chaque dimanche matin, pendant que Marcia se rendait seule à pied à la petite église du village, située près des portes du parc de Scarsdale. Un matin, après le retour de George à l'ermitage, par une brillante matinée de novembre, Dorothée avait couru à travers le parc à la ferme afin d'être arrivée à temps pour prendre sa place habituelle dans la charrette du régisseur. Elle est reçue avec de chaleureuses clameurs par ses jeunes frères et sœurs qui la regardent comme un prodige de savoir et d'élégance. Mais elle reçoit seulement un signe de tête de son père qui n'est jamais démonstratif et qui condamne la science que sa fille a reçue de Mademoiselle Denison comme un tas de bêtises à la française, capable de tourner la tête de toutes les jeunes filles et de rendre la sienne trop raffinée pour le service. Ce jour-là, Dorothée ne retourna pas à Scarsdale dans la voiture de son père. Sa maîtresse lui avait donné congé pour qu'elle pût passer la journée chez sa cousine qui était presque une belle dame. Elle avait été en effet chez une marchande de meaux de Roxborough et avait dernièrement uni sa fortune à celle d'un jeune et brillant commis brasseur. C'est avec ses parents distingués que Dorothée devait dîner, et ils avaient pris la résolution de la reconduire chez elle avant la brune, ou dans tous les cas, plus loin que les portes du parc de Scarsdale. Pour l'imagination de Dorothée, aller dîner en ville était un très grand événement. Plus spécialement quand elle avait un nouveau chapeau, un vrai chapeau de velours de soie, avec un nœud bleu ciel posé de côté, qui devait éblouir les yeux expérimentés de Selina Dobb. Le nom du commis était Dobb, mais il était un très important personnage, en dépit de ce nom plébéien d'une seule syllabe. Un homme ne peut pas changer son nom. Mais le dimanche, l'aspect, la tournure de Henry Adolphe Dobb eussent été superbes, lors même qu'il eût posé pour un rejeton de la famille de Montmorency. Je suis effrayé de penser que l'esprit de Dorothée était disposé ce jour-là à errer dans la chapelle et que le nouveau chapeau avait une malheureuse influence pour bouleverser la jolie petite tête qu'il renfermait. Elle essaya très péniblement de rester les yeux fixés sur son livre pendant qu'elle était agenouillée humblement à côté de son père. Mais ses frivoles idées vagabondaient au loin pendant que ses lèvres roses marmottaient mécaniquement ses pater et ses ave. Castleford est une ville de garnison, et la réunion des paroissiens de la petite église catholique romaine est assez généralement parsemée de l'élément martial. Ce dimanche-là en particulier, il y avait beaucoup d'habits rouges éparpillés dans l'église et deux surtout près de l'autel sur lesquels les yeux de Dorothée erraient de temps à autre en dépit d'elle. Ces deux habits rouges spéciaux étaient portés par deux officiers dont l'un semblait complètement absorbé par le service auquel il assistait, tandis que l'autre, au contraire, était assis nonchalamment et regardait autour de lui, excepté pendant la partie la plus solennelle de l'office où il tombait à genoux et prenait mécaniquement un air respectueux. Il arriva cependant que les regards de l'officier inattentif qui errait çà et là, un peu partout, semblaient revenir plus souvent qu'autre part au nouveau chapeau de Dorothée. Ce n'était pas la première fois que la jeune fille voyait cet officier dans l'église, et le dernier dimanche, et le dimanche d'avant, lorsqu'elle portait un très vieux chapeau fané, elle avait remarqué le même phénomène. Les yeux de l'officier, après s'être promenés çà et là, finissaient par se fixer sur elle. Ils étaient noirs et toujours actifs, ses yeux. Il y avait un très vif éclat. Ce regard brillant, maladif, que nous unissons à l'idée d'un commencement de consomption, il ressortait dans une figure qui devait autrefois avoir été très belle, mais qui maintenant avait un air fatigué et usé qui diminuait considérablement sa beauté. C'était un visage qu'un observateur sagace aurait appelé un visage de mauvais sujet, une insolente et arrogante figure qui devait appartenir à un homme accoutumé à être en guerre avec le monde. Nul physionomiste n'aurait trouvé que c'était une agréable expression, mais à Dorothée, elle paraissait l'idéal même d'une splendeur héroïque. Enfoncé dans les travaux de l'agriculture, le régisseur de Sir Gaspard ne pouvait être sous aucun rapport un minutieux observateur. Les yeux de tous les officiers des casernes de Castleford auraient pu poursuivre la jolie figure de Dorothée sans que Thursgood en fût plus clairvoyant. Il emballa ses deux plus jeunes filles et un garçon maladroit dans la charrette qui avait attendu pendant le service dans une cour adjacente et d'un signe de tête dit adieu à Dorothée en grimpant dans son véhicule. « Ne t'attarde pas à la nuit, Doll, » dit-il à haute voix en manière d'avertissement. « Céline Adobe a une maison à elle et un mari pour la garder. Mais toi, tu as gagné ta vie au service. Que je n'entende aucune plainte sur toi quand j'irai à l'abbaye. » Dorothée fit la moue, puis murmura quelques mots respectueux. Le fermier était son père, et il était obligé de lui obéir, quoique ses manières fussent presque grossières. Mais la société des vaches de Haldernay et de jeunes cochons criant sans cesse, quoique charmante, ne peut guère avoir une influence civilisatrice. La charrette partit, et Dorothée resta seule dans toute la splendeur de son chapeau de velours pour trouver le chemin qui devait la mener à cette petite rangée de maisons nouvellement bâties, parmi lesquelles se trouvait la demeure de Célina et de son mari. Depuis son enfance, Dorothée entendait une grande messe chaque dimanche matin dans cette petite chapelle, et il y avait toujours beaucoup de poignées de main échangées entre elle et les jeunes femmes de son âge, sans parler des frères embarrassés et des jeunes laboureurs tout penauds tenant compagnie aux jeunes filles. Il y eut de grandes discussions sur le nouveau chapeau, et lorsqu'à la fin Dorothée quitta ses amis, il était beaucoup plus d'une heure. Or on dînait chez M. et Mme Dobb à une heure, non par simple choix, mais par suite des habitudes arbitraires d'un boulanger qui vidait son four à cette heure et remettait les plats qu'on lui avait confiés dans les mains de leur propriétaire avec une indifférence de marbre, comme si c'eût été du drap qu'on lui apportait ou de la bière prise à la taverne nouvellement ouverte. Dorothée courut hors d'haleine à travers le sentier d'un vaste terrain et passa devant les rues sans fin qui étaient éparses çà et là dans le faubourg poussiéreux de Castleford. Les habits rouges étaient sortis de la chapelle pendant que son père faisait son bref sermon. les deux officiers marchaient aux côtés de leurs hommes, et Dorothée avait presque oublié les yeux errants qui avaient été si souvent attirés par son nouveau chapeau. Elle était près de la nouvelle terrasse, appelée Terrasse Amanda, quand elle commença à avoir conscience qu'un pas s'avançait derrière elle, un pas qui se ralentissait quand elle marchait doucement et qui s'accélérait lorsqu'elle se pressait. Sa respiration devint plus courte et son cœur commença à battre avec force, aussi vite que s'il avait couru pour un pari. Qui pouvait la suivre ? Son cœur, qui jusqu'alors n'avait palpité que pour un nouveau ruban de bonnet ou un collier de corail, commença tout à coup à battre avec une étrange émotion qui était un plaisir si intense qu'il semblait presque approcher de la douleur. Peut-être un poète aurait-il pu s'imaginer reconnaître là les premiers frémissements de l'amour d'une jeune fille, mais hélas, la vanité féminine y avait une bien plus grande part. Dorothée, en tournant un angle saillant, jeta un regard sur celui qui la poursuivait, et quoique court, ce simple coup d'œil fut suffisamment long pour lui faire apercevoir un habit rouge et une paire de brillants yeux noirs. Ce fut alors que le cœur de la jeune fille du fermier se gonfla avec un délicieux triomphe. Elle commença à penser qu'elle avait fait une conquête. Une conquête ? Elle se rendait chez Célina Dobb, qui avait poursuivi des détails les plus minutieux sur ses conquêtes parmi les militaires, et qui avait fini par épouser un commis de brasseur. Oh, comme il serait délicieux de se retirer après dîner dans la chambre à coucher de Célina, sous prétexte d'examiner le nouveau chapeau, puis une fois là de lui raconter l'histoire de son étonnant triomphe. Elle continua à se représenter mentalement cette délicieuse découverte quand elle arriva au Villa Amanda et aperçut la tournure flatteuse de Henry Adolphe Dobb avec un habit extrêmement ouvert, appuyé contre la petite porte en fer, pourvue d'une pipe courte en terre de pipe, dont le fourneau représentait la tête d'un bulldog féroce et mal disposé, montrant deux rangs de dents en émail, dont la blancheur contrastait agréablement avec l'argile noircie. « Oula ! » cria Dobb en ôtant sa pipe de sa bouche en s'adressant à celui qui poursuivait Dorothée. « Dieu soit loué !» pensait la fille du régisseur. « Si le mari de ma cousine est en termes familiers avec cette superbe créature en habit rouge. « Comment vous portez-vous, Dorothée ?» dit Dobb. « Vous paraissez bien affamée. » J'en suis fâché car le boucher a oublié d'envoyer le mouton hier soir. Nous aurions pu dîner avec des navets, mais malheureusement, le garçon du fruitier a pris la rougeole et ils ne sont pas arrivés. Mais si le tendre accueil de deux cœurs honnêtes et l'odeur des dîners du fournil du coin vous contentent, ils sont à votre disposition. Dorothée ne fut pas alarmée par cet exorde. Elle était très habituée aux manières du mari de sa cousine, qui était cette peste de la société, un jeune homme facétieux. Un jeune homme qui aurait fait un mauvais calembour à un enterrement et aurait été frappé d'une attitude tragicomique près du lit d'un ami expirant. Il fréquentait constamment les théâtres, les concerts, croyait en lui-même implicitement comme mime accompli, et était grand admirateur de Charles Matthews. C'était un homme qui pensait qu'une conversation agréable est tout à fait impossible avec le plus léger mélange de sens commun. C'était une édition complète du Slang Dictionary de M. Houghton et des farces de M. Madison Morton. Il n'y avait aucune discussion, quelque solennelle qu'elle fût, aucune question sérieuse, pour laquelle il put trouver un autre langage que celui de l'argot. « Entre, belle damoiselle, dans notre modeste maison, » dit-il à Dorothée. « Je ne plaisante pas avec toi. Le banquet nous attend. Oh là, mon lieutenant, Michel Cassio, quelle nouvelle !» La royale fille de Jacques II a-t-elle quitté la vie, ou les flegmatiques citoyens d'Amsterdam sont-ils en possession de la Hollande ? Ces plaisantes interrogations étaient adressées à l'officier qui avait suivi Dorothée, mais ce gentleman répondit par un bâillement comprimé et un nonchalant. « Comment allez-vous, Dobb ? » Il y avait une paresseuse indifférence qui était loin d'être flatteuse pour la société dans laquelle il se trouvait. Il avait une démarche lente et se dandinait. C'était tout l'opposé, enfin, de l'attitude vivace d'Aube, était sautillante et dansante, comme le jet d'une bonde qui s'échappe, et qui considérait sa réputation de délicieux bavard comme étant en éminent danger si quelques circonstances désagréables l'obligeaient à retenir sa langue et à modérer l'activité comique de ses muscles pendant 5 minutes de suite. Ce nonchalant officier était un certain Gervois Cathran, sous-lieutenant d'infanterie de marine, une connaissance de l'Anjou et d'Aube, et un joueur de billard invétéré. Le terrain neutre d'une salle de billard au-dessus d'un débit de tabac sur la place du marché de Castleford avait réuni le lieutenant et le commis, et quelques petites indulgences de Dobbs, à l'occasion de certaines petites dettes d'honneur, avaient amené une espèce d'intimité entre ces deux hommes. La pauvre petite Dorothée sentit qu'elle avait la crête un peu basse, quand elle entra tout d'abord dans le parloir le mieux orné de sa cousine Célina. Elle n'avait pas fait une conquête, après tout. L'officier aux yeux noirs n'avait pas suivi la trace de ses pas de la chapelle au Villa Amanda. Il avait simplement suivi ce chemin pour se rendre chez son ami Dobbs. Sous l'influence pénible de ce désappointement, Dorothée fut presque indifférente aux remarques critiques de sa cousine sur son nouveau chapeau. « Dieu du ciel !» s'écria Célina en regardant par la croisée. « Voici André Adolphe qui parle à un de ses amis. Il est très bien avec les officiers. Mais ils ne viennent pas souvent par ici. Les villas Amanda sont trop retirées. » Le cœur de Dorothée, qui pendant ces 5 dernières minutes avait battu lentement et sans énergie, commença à palpiter avec une espérance renaissante. « As-tu déjà vu ce gentleman avant aujourd'hui ? » demanda-t-elle timidement. « Non, je ne puis me rappeler si je l'ai vu. Mais Henry Adolphe est tout à fait intime avec les officiers. Il est si vif, si amusant, tu sais, et sa société est très recherchée. » Les deux femmes se mirent à la croisée, abritées par une petite rangée de géranium et les festons volumineux d'une paire de rideaux blancs fortement empesés, tricoté par l'industrieuse main de Salina. Elles surveillèrent Dobbs et son compagnon avec un intérêt admiratif. Célina, sous l'impression des talents distingués de son mari et se réjouissant à l'idée des sentiments d'envie qui allaient probablement s'élever dans le sein de ses voisins en voyant les intimes relations de Dobbs avec un sous-lieutenant de marine. L'officier s'éloigna en se dandinant, mais son discours, en s'en allant, avait dû pénétrer comme une dague dans le sein d'un voisin qui écoutait. « Au revoir, Dobbs. Je reviendrai dans l'après-dîner pour fumer un cigare. » Il fit un signe de tête et s'en alla très doucement, d'un pas peu empressé, et en jetant plusieurs regards furtifs vers l'écran de feuillage derrière lequel Dorothée regardait dans la rue. Elle vit ses regards et s'assit pour dîner à la table de sa cousine. Ses joues étaient rouges comme des pivoines et elle fut plaisantée par le commis brasseur sur ses belles couleurs. Ma bien-aimée, comme une rose rouge, s'est fréquemment chantée hors du ton. Je connais tout cela, Dorothée. Et ce gentleman pourrait être considéré comme éminemment beau, si ce n'était ses cheveux rouges et le préjugé populaire contre les yeux à fleur de tête. Je regarde une bosse plutôt comme un avantage qu'autre chose. Et c'est à un homme qu'un étourné que convient le mieux un collet d'habits, exclama M. Dobbs, en brandissant son couteau et sa fourchette à découper au-dessus d'une épaule de mouton cuite au four. « Vous connaissez votre place. Asseyez-vous. Les viandes des funérailles cuites au four, etc., etc. Comment va le papa, Dorothée ? Toujours serein ? Et notre estimable ami, le baronnet ? J'espère qu'il n'a pas pris trop à cœur mon refus de sa dernière invitation à dîner. J'apprécie ses amicales intentions. » Mais la société des vieilles têtes à perruques est capable de rendre stupide l'intelligence de la jeunesse. Et à son dernier dîner, j'ai eu à me plaindre des viandes. Les tripes et les oignons étaient trop cuits. Les fricassés de saucisses de bœuf n'étaient pas au point voulu. Le pudding glacé était liquide et ne se tenait pas. Et le champagne dont on avait arrosé le jambon n'était pas du cliquot. Je lui pardonne. Cassio, je t'aime. Mais plus jamais tu ne seras mon officier. Dorothée, pendant presque tout le dîner, mangea sans rien dire et mangea très peu. L'agréable Dobbs demandait seulement de temps en temps un rire admiratif pour accompagner ce qu'il débitait pendant toute une après-midi, de sorte que la fille du fermier ne fut pas appelée à parler beaucoup. Après le dîner, elle s'assit sur le petit sofa en crin qui était fort dur, à côté de sa cousine Célina, et discuta une manche délicieuse et un ajustement enchanteur avec une vivacité qui, selon Madame Dobbs, s'augmenta juste au moment où le facétieux Henry Adolphe mélangeait une petite cruche remplie d'un certain rhum avec du punch au gin. Cette liqueur était connue parmi ses intimes sous le nom de mixture de Dobbs, parce qu'elle était un mélange habile fait par ce gentleman de liqueurs dont l'origine séparée et dont la composition était assez absorbante pour le faire rester comparativement tranquille. Il était 3h30 passées quand Catherine passa en se dandinant devant la croisée, en bourgeoise cette fois. Dorothée rougit dès qu'elle le reconnut. Le sofa était en face de la croisée, et Dorothée avait jeté à la dérobée, plusieurs fois depuis le dîner, le petit regard furtif au travers des géraniums de Célina. Peut-être ne viendrait-il pas, après tout, ou viendrait-il très tard. Et Dorothée devait retourner avant la brune à l'abbaye, et la brune arrivait si tôt dans les après-midi de novembre. « Ouvrez la porte, qui que vous soyez !» cria Dob, comme le lieutenant s'approchait des grilles. Le valet de pied a été renvoyé subitement à cause de son penchant à l'intempérance et la vaisselle plate de la famille est chez son banquier, dont la porte est seulement fermée au loquet. « Tirez, gentil ermite, tirez la gâchette et laissez voir les panneaux les plus bas de votre portrait, car la peinture, imprégnée de l'humidité de l'air, est collante et s'attache comme les lèvres d'une femme qui rencontre les lèvres trompeuses d'un séducteur et boive le poison dans un baiser perfide. » Vers d'une épître non terminée par H. A. Dobb Esquire, poète lauréat de Sa Majesté la Reine des îles Cannibales. Pendant que Dobb donnait ainsi un libre cours à son imagination humoristique, sa plus sensible moitié avait ouvert la porte et fait entrer l'eau distinguée qui paraissait aussi hors de son élément dans le petit parloir que dans la chapelle. Il se laissa tomber nonchalamment sur la chaise que lui offrit Madame Dobb et accepta avec langueur le verre de punch que lui présenta Henry Adolphe, qui avait contribué à rendre la pièce odorante avec l'odeur de l'écorce de citron et de rhum. Dobb présenta sa femme et la cousine de sa femme à son ami Gervois Cathron, avec diverses phrases fleuries facétieuses, du genre de celles des salles de café-concert. La pauvre petite Dorothée ne put que rester assise en baissant ses paupières sous les regards de l'officier. Il fit un faible effort pour lui parler, mais elle ne lui répondit que par des monosyllabes, et comme le plaisant Dobb pouvait rarement se taire pendant 2 minutes de suite, leur conversation fut très courte. Catherine lui fit quelques questions. Détestait-elle l'odeur du cigare? Demeurait-elle près de Roxborough? Retournait-elle chez elle le soir même? La servante à tout faire de Madame Dobb apporta le plateau à thé, pendant que les deux hommes buvaient et fumaient, et Célina leur expliqua qu'on allait prendre le thé plus tôt que de coutume pour escorter leur cousine jusqu'aux portes du parc de Scarsdale avant la nuit. « Dorothée vit avec Mademoiselle Denison comme une compagne, » dit Madame Dobb, qui ne pouvait se décider à prononcer le mot humiliant de femme de chambre devant son hôte aristocratique. « Et il y a loin d'ici à Scarsdale, 3 miles jusqu'au parc, et à peu près 1 mile des portes du parc jusqu'à l'abbaye. » Mais Henry Adolphe aime à faire une longue promenade lorsqu'elle est jolie, et nous avons promis à Dorothée de la reconduire jusqu'aux portes du parc. Catherine répondit que, sous ce rapport, il ressemblait à Dobb, qu'il n'aimait rien tant que de faire une longue promenade par une belle soirée d'hiver, et qu'il accompagnerait volontiers les Dobb et leurs cousines jusqu'à Scarsdale. Le cœur de Dorothée commença à s'agiter après ces mots. Ah, c'était décidément une conquête, et certainement son triomphe devait être remarqué par Célina qui avait été si prompte à s'apercevoir de ses propres victoires, les susceptibles militaires se pavanant dans la grande rue où la jeune et belle marchande de mode était en apprentissage. Les deux femmes parlèrent de Catherine en mettant leurs chapeaux dans une chambre du premier. Mais Célina considérait évidemment les charmes de son mari comme une attraction tout à fait suffisante pour attirer au Villa Amanda tous les officiers inscrits dans l'annuaire militaire. Ainsi, si la vanité satisfaite de Dorothée qui gonflait son sein venait à éclater, elle n'avait nulle chance de trouver une issue dans la sympathie d'une amie. Elle descendit l'escalier, brillante et radieuse sous son chapeau neuf, et trouva Dobb et son ami qui avaient fini leur punch, fumant sur le pas de la porte. Les deux hommes allèrent au-devant de Madame Dobb et de sa cousine, et ils quittèrent tous la maison les uns après les autres, presque à la file. Mais je ne sais comment il arriva que, l'instant d'après, Catherine était à côté de Dorothée et qu'il ne fut pas longtemps sans profiter de son avantage. « Donnez le bras à votre femme, Dobb, » dit-il. « Je prendrai soin de mademoiselle. Je vous demande pardon, je n'ai pas encore entendu tout à fait votre nom. »« Thursgood, » murmura Dorothée. « Thursgood, ce n'est pas un aussi joli nom que Dorothée. Savez-vous que vous êtes la première Dorothée que j'ai rencontrée, excepté une qui est un personnage historique ? Je connais son histoire. Mademoiselle Marcia me l'a prise. N'est-ce pas cette Sophie Dorothée qui a épousé Georges Ier et qui était si malheureuse ? Brave créature ! Ah, combien je déteste cette comtesse de Platane qui a foulé aux pieds la figure du comte de Königsmark. Est-ce de Sophie Dorothée dont vous vouliez parler ? Non, c'est de Dorothée Warden, la fille du forgeron. Vous savez que je pense que vous lui ressemblez, mademoiselle Thursgood. Vous aimez les romans, monsieur ? S'écria Dorothée. Non, je ne les aime pas. Je les trouve furieusement lourds et ennuyeux aujourd'hui. J'en ai beaucoup lu quand j'étais jeune garçon. Et maintenant, je ne lis que les listes des paris de Holt et le Sunday Times. Il y avait un long trajet de Castleford à Scarsdale, mais il semblait très court à Dorothée, et cependant Caffron était loin d'être le plus aimable et le plus intelligent compagnon qu'une jeune femme pût avoir. Il avait très peu de choses à dire sur lui-même, et ce qu'il disait était généralement l'expression de la haine et du mépris qu'il ressentait pour tout le monde et pour toute chose, et d'une profonde rancune des mauvais traitements qu'il avait supportés de gens qu'il avait insultés et injuriés en valant mieux que lui. Ce n'était pas un agréable compagnon, mais seulement un mauvais sujet, de belle apparence, ayant une magnifique figure usée et fatiguée par les veilles et les libations. Mais c'était juste l'espèce d'homme qui peut généralement trouver un grand nombre de femmes prêtes à lui prêter de l'argent et à l'adorer. La pauvre petite Dorothée n'avait jamais avant cela cheminé au bras d'un officier. Et le bonheur causé par sa vanité satisfaite prêtait un charme factice à la société de son compagnon. Elle était très heureuse, aussi heureuse qu'une petite fille qui porte une robe de femme pour la première fois, avec toute l'ignorance d'une enfant, de tous les succès et de tous les chagrins que peut amener ce vêtement. Les grands arbres dépouillés du parc de Scarsdale paraissaient noirs sur le ciel éclairé par la lune, lorsque Dorothée dit au revoir à ses amis aux portes du parc. Le fils du gardien devait l'escorter de là à l'abbaye. Ainsi, Dob n'avait plus besoin de s'inquiéter d'elle et de la conduire plus loin. « Bonsoir, Célina. »« Bonsoir, Monsieur Dob. »« Je vous suis bien reconnaissant d'avoir fait un si long chemin. »« Un long chemin ?» s'écria Caffron. « Par Jupiter, c'est le plus court chemin que j'ai jamais fait de ma vie. » Il put voir Dorothée rougir au clair de lune quand elle s'inclina un peu vers lui par politesse et murmura « Bonsoir ». Avant de s'aventurer sur le gazon brillant, sous les rayons argentés de la lune, avec le fils du gardien à son côté. Elle était à peine hors de vue des portes, quand elle se mit à prendre un pas sautillant qui était presque une danse, et qu'une petite chanson jaillit de ses lèvres comme le joyeux gazouillement de quelque oiseau heureux. Et tout cela, parce qu'elle avait fait une conquête. Extravagante Dorothée, insensée jeune fille, de temps s'occuper de quelques compliments stéréotypés d'un beau mauvais sujet. Dob n'était pas si charmé de l'emploi de sa soirée du dimanche. Cela peut être très agréable d'avoir des connaissances élevées, fit-il remarquer à sa femme en mangeant son souper. Mais mon ami aux éperons a brûlé mon dernier cigare et absorbé la plus grande partie de ce breuvage ambrosiaque confectionné pour la joie générale de toute une table. Sans rien dire du demi-souverain qu'il m'a emprunté quand nous nous sommes séparés dans la grande rue, tout à l'heure.